je suis californien. J'ai un pick-up, je suis californien. Je fais du surf, je suis californien. Je fais du punk, je suis californien. D'abord je suis même pas gros, même si je bouffe toujours un McDo. J'ai mon drapeau dans mon jardin pour les pique-niques entre voisins. Ma femme nous prépare des confits pendant qu'on s'entraîne au fusil. J'aime bien le cyclo de Katrina, ça tue les gens ou leur caca. Moi je suis californien, j'ai un pick-up, je suis californien. Je fais du surf, je suis californien. Je fais du punk, je suis californien. Et puis je vois des avions partout, ils te désistent à vite sur nous pour protéger. J'ai mon pétard avec la Bible dans un tiroir. J'écoute tous les jours Green Day, mais j'aime pas la drogue ni les gays. Je regarde beaucoup la télé, 87 c'est trop de petit. En fait je suis vendéen, je fais de la planche à la tranche. Moi je suis vendéen, et je mastique le manche. Moi je suis vendéen, je fais de la planche à la tranche. Moi je suis vendéen, et je mastique le manche. Et je mastique de manche tous les jours en rêvant. En rêvant que. J'ai un pick-up, je suis californien. Je fais du surf, je suis californien. Je fais du punk, je suis californien. Je suis californien, j'ai un pick-up, je suis californien. Je fais du surf, je suis californien. Je fais du punk, je suis californien. Je suis californien. Je suis californien. Je suis californien. Je suis californien. Je suis californien.